芽生えよ芽生えよ芽生えよ芽生えよ。J'arrive plus à m'ébahir, je perds le goût, je dois vieillir. Je suis aigri et mal poli, un hippie sous extasie. J'arrive plus à m'ébahir, apathie, plus d'appétit. Le monde entier peut mourir, je me moque d'être cramoisi. Mais ces petits plaisirs sont stoïques comme des menhirs. Sais-tu que tu me fais plus rire? J'arrive plus à m'ébahir. La ville se prend à pâlir. Elle disparaît sous le ciel, dans les vapeurs du soleil. Plus que je te dise que je t'aime.